Des nouvelles? Des nouvelles? Des nouvelles? Quelqu'un m'a dit que posséder du temps était la clé d'une cavale réussie. Je ne pense que... Enfin, je pense ne jamais avoir besoin de ce conseil. Néanmoins, il prouve que ses enfants sont très intelligents. Quelqu'un m'a dit que posséder du temps était la clé d'une cavale réussie. Je pense ne jamais avoir besoin de ce conseil. Néanmoins, il prouve que ses enfants sont très intelligents. Quelqu'un m'a dit que posséder du temps était la clé d'une cavale réussie. Je pense ne jamais avoir besoin de ce conseil. Néanmoins, il prouve que ses enfants sont très intelligents. Oh, cela signifie... Oh, cela signifie... Oh, cela signifie... Oh, cela signifie... Oh, cela signifie... Ce ne sera pas trop tôt. Combien de gongs avons-nous déjà perdu pour ces garnements ? Et ce ne sera pas trop tôt. Combien de gongs avons-nous déjà perdu pour ces garnements ? Et ce ne sera pas trop tôt. Combien de gongs avons-nous déjà perdu pour ces garnements ? Ah, je l'ai fait plusieurs trucs. Ah, c'était brillant. Anéantir Deep, personne ne l'avait jamais fait avant moi. Personne ne l'avait fait avant moi. C'est simplement dommage que le peuple l'ignore. Il se sentirait plus en sécurité par ces temps de troubles. Non, vraiment, tu aurais dû faire de la politique. C'était brillant. Anéantir Deep, personne ne l'avait fait avant moi. C'est simplement dommage que le peuple l'ignore. Il se sentirait plus en sécurité par ces temps de troubles. Non, vraiment, tu aurais dû faire de la politique. Attends, je vais refaire le truc. C'est simplement dommage que le peuple l'ignore. Il se serait senti plus en sécurité par ces temps de troubles. Non, vraiment, tu aurais dû faire de la politique. Tu aurais dû faire de la politique. Tu n'es pas le fils de ton frère... Le fils de son frère. Tu n'es pas le fils de ton père pour rien, toi. Bon, eh bien, tu as encore ces jumeaux à retrouver. Trouve-les vite, que tu puisses m'épauler depuis le sommet de la confrérie des hommes. Tu n'es pas le frère... punaise. Tu n'es pas le fils de ton prêtre... Punaise. Tu n'es pas le fils de ton père pour rien, toi. Bon. Eh bien, tu as encore ces jumeaux à retrouver. Trouve-les vite, que tu puisses m'épauler depuis le sommet de la confrérie des hommes. Trouve-les vite, que tu puisses m'épauler depuis le sommet de la confrérie des hommes.